une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Marine Monster. Passez une bonne soirée, bienvenue, ça y est, c'est parti, coup d'envoi de cette deuxième soirée avec les monstres marins, les Marine Monster, avec Yann Slow du Nine à ma droite, en face, monsieur Bedjik. Bonsoir à tous. Comment va? Ça va très bien, toi, Fred. Cette deuxième soirée prêt? Deuxième soirée, là, on est mardi, t'as vu? Comme un mardi. Et je vois que ça se passe bien, en plus, pour l'album, les précommandes, pour l'instant. Exactement, t'as vu? Ça monte. Je suis étonné, tu vois. Ça monte. Tant mieux, c'est bon signe. C'est une bonne nouvelle. La voix que vous entendez est celle d'Aria, hein, personnage important et influent du milieu de la musique. Qui est le patron du label avec Gims. Ouais, bien sûr, tu sais comment on l'appelle? Comment l'appelez-vous? Cet individu, là? On l'appelle le Brava. Le Brava. Voilà. Le Brava pour? Voilà, le Brava parce qu'il a un gros bras, mais parce qu'il a surtout le bras long. Le Brava, donc. Le Brava. Le Brava. Je savais pas. Et là, avec nous, d'autres invités ce soir, messieurs, autour de la table? Non, non. Des amis, des proches? Il y a juste des amis, des proches. Il y a les gens de ma cité, de Drancy Nord, il y a la 9ème zone, tout ça. Il y a les. Et puis voilà, Ferris qui est là, toujours Ferris. Mon gars sûr, tu vois. Qui est le manager de l'ombre, tu vois. Pour l'instant, tout se passe bien. On va se rappeler ce qui d'ailleurs s'est passé hier soir dans l'émission avec vous, les Marine Monsters. Yes. Petit replay de l'émission tout de suite. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Passez une bonne soirée, bienvenue à un nouveau Planète Rap avec messieurs Bedjik, Yann Slow du Nine. Bonsoir à tous. Les Marine Monsters, comment ça va messieurs? Ça va bien et toi? Et ben voilà, premier Planète Rap avec vous. Ouais. À quoi, 7 jours de la sortie? On a J-7 là. J-7, alors commençons à J-7 avant la sortie messieurs. Moi j'ai la pêche, hein. Pressé là, depuis qu'on prépare. Il y a un peu de stress quand même. Ah, il y en a un des deux qui est plus stressé que l'autre. Ouais. Mais ça se trouve je suis stressé mais je le montre pas. Hein, Planète Rap. Je n'ai pas changé depuis, je vais vous raconter ma life. Tout le monde soit parfait, seul. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. De me poser une agent baillie, je vais vous raconter ma life. En commençant par faire une planète job, planète job. Donc vu sur le net par exemple, la première question, il paraît qu'il y a un featuring avec Snoop Dogg. Faux. Faux, mais peut-être. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. On l'a annoncé, on nous a cramé. Marine Monster featuring Snoop Dogg. Deuxième chose que l'on a vue sur le net, vous avez déclaré que vous alliez vendre plus que Maître Gims. C'est vrai aussi. Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? En même temps. C'est vrai, en même temps. Avec le time. En vrai, on sait pas. Est-ce que d'ailleurs ça donne une pression? Parce que c'est vrai que c'est Gims qui vous a signé. Toi, t'es le frangin de Gims aussi, on l'a dit. Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'il y a une pression particulière où il vous laisse tranquille là-dessus en disant, voilà, faites votre truc? Il nous laisse tranquille. On est vraiment pro, si je puis dire, et autonome, mais il nous laisse faire vraiment. Je vise le viso vis-à-vis des gens, le vice et vice, la vasité, montons le vaisseau. C'est le changement de rire, fils, je demande à mort, faut suivre de la fusée, afro-visière, cheveux visés, fuck les beaters, physio, physique, easy, use, cousine, musique, misée. Nous on va toujours arriver, et on ne peut jamais y arriver. C'est mal du balai, nous avons everybody. Voilà, une émission hier soir qui s'est terminée avec le live de J'allume. Exactement. Un morceau que l'on peut retrouver sur cet album qui sortira donc dans 6 jours maintenant, sorti le 3 novembre. Dans les bacs. Album dans les bacs avec plein de choses, puisque on le disait, si on précommande l'album cette semaine. On en revient. J'ai envie d'entrer directement dans le vif du sujet. Exactement. J'ai vu des tweets hier comme quoi les gens n'avaient pas encore bien compris. Bien le saisi concours. L'histoire. On va répéter. Alors l'album est en précommande depuis le 20 octobre. Il reste une semaine, enfin un peu moins d'une semaine maintenant pour même pas. Faut en profiter, c'est moins cher. J-6. Même pas. Okay. Même pas parce qu'on a dit qu'on arrêtait vendredi. Donc, ouais, c'est ça. Faut télécharger l'album sur iTunes ou n'importe quel autre plateforme digitale. Voilà, exactement. Digital. Le Brava dit n'importe lequel. N'importe lequel. Le Bravux. Voilà, dès que vous avez téléchargé l'album ou précommandé, vous faites une capture d'écran. Donc ça marche sur le téléphone, ça marche sur l'écran, ça marche comme vous voulez. Une fois que vous avez fait cette capture d'écran, vous tweetez la capture d'écran avec le hashtag Marine Monster en Panamera. Et nous, le vendredi, à la fin du Planet Rap, on annonce le gagnant. Et on va le chercher. Tirage au sort parmi tous les visuels. Et dans toute la France, on le répète encore parce qu'apparemment les gens n'ont pas compris. Ouais, j'ai vu hier, ça se fait un peu de gueule. En gros, on va pas venir à Pau. En gros, on va faire venir Pau à nous. C'est-à-dire, on va envoyer soit un billet de train, soit un avion. Voilà. Et on va le récupérer à la gare ou à l'aéroport. Et on va l'emmener à la boutique parce qu'il n'y a pas de boutique Vortex chez lui, mec. Et donc, à la boutique, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et la boutique, le gars, on ressape le mec de la tête. Tu connais Relooking Extreme? Ouais. Mais c'est ça, j'appelle ça. Relooking Extreme. MMC relance une nouvelle émission. Voilà. Donc c'est le moment ou jamais d'aller cliquer, d'aller récupérer cet album Marine Monster avant vendredi, dépêchez-vous, en précommande. Avant vendredi. Avec le hashtag Marine Monster en Panamera. Et peut-être un tour en Panamera, cette fameuse Porsche que tout le monde a envie d'avoir ou du moins de faire un petit tour. N'hésitez pas. Un petit resto à la clé aussi. Ah aussi? Une couleur très spéciale, ce Panamera, couleur Zanzibar. Et en plus, vous découvrirez la couleur Zanzibar. Donc, autant vous dire qu'il faut cliquer plus que jamais pour récupérer cet album Marine Monster qui sortira lundi prochain. On va débuter par un morceau peut-être pour commencer. Pour commencer l'émission, tu vois. Exactement. Allez, c'est parti, coup d'envoi. C'est pour chez moi, ça. Pour commencer. Ouais, Drancy Nord. Paris Centre, même. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Ce putain de son nous a lancé. Et en commençant par faire ça, me guide à la du night. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Nicolas. Et à l'heure où je te parle, moi, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. Et oui, ma gueule. En commençant par faire du ça, la la la la. Make you what I know, young slow du nananana. On va commencer par faire du sale. Est-ce que t'as déjà vu des gens prendre la farine canne? Et le fil, les flics, les fanatiques de farine canne. 9e dans le 9, on arrive en balle. Fix ma bouquet dans un charingan. J'arrive en balle, c'est all time. Vas-y, chouette, chatillon. Des gars sales, mon rouge. Frais, j'ai la dalle, j'ai tout braille, oui, ça va le faire. La ma beauté nique ton boyfriend. C'est l'Afrique, là où y'a pas de compère. Là où ça casse la coque et des flingues dans des packs en paire. C'est un hold up, oui. C'est fort depuis. Oui. Entre ma corporation et que Black Panther. Elle est aussi star, que des cas aussi star. T'es mort dans le film, comme un déclin entouré de ses stars. Plus le temps, faut qu'on se casse, trop vif, tu constates. Young slow, Maggie Warano, elle a constate. Maggie Warano du live. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis dans notre pays. Je vous raconte la life en commençant par le sol. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du ça, la la la la. Make you what I know, young slow du nanana. Chantons tous ensemble. Allez, commencez par faire du sale. Hey yo miss, I'm sorry. Si ton cœur j'ai déjà zébré, tu me verras m'enjailler avec toute ma clique, mais jamais je vous rivalise, vous dévalise. Pendant que Muggy gère le beat, je veux être vendu au West Indies. Marine Monster, rest in peace. Tellement, tellement clair, aucune terre. Laisse-nous faire, ce morceau c'est juste la l'air. Comment vous dire qu'on arrive en dessous? Putain, les gars, je vais pas vous faire un dessin. En fin d'année, vous allez vous chier dessus. Ouais, c'est vrai qu'on veut des sous. J'suis pas le genre de mec, on s'est au bar. J'ai pas besoin de voir Price, la musique, l'inspire. Viens me dire que ce Vortex net, il veut pas. Make you what I know du live. Ouais, les mecs de 15-6-tout. Je n'ai pas changé depuis. 15-6-tout, c'est l'heure, rieux. Ouais. De me poser où la jambe aille. Rangy. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you what I know du live. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Hamid Gorlé. Gorlé. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. La la la. Make you what I know. Young slow du nananana. Je vais commencer par faire du sol. La la la la. Make you what I know. Young slow du nananana. On va commencer par faire du sale. Make you what I know du live. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. De mon gars Ferry. Et à l'heure où je te parle. Wesh, ouais, c'est Bakram, t'es où là? J'attends, wesh. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire. Ah, excuse-moi, t'as la gueule. Mais you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. Je viens me dire. Et à l'heure où je te parle. Sans... Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sale. Marine Monster, l'album qui sortira lundi en précommande dès maintenant et puis en physique hein, pour ceux qui aiment bien l'objet. Exactement, il y a aussi un coffret, faut le rappeler, il y a aussi un coffret, c'est une exclusivité Leclerc, c'est-à-dire vous pouvez le retrouver dans tous les magasins Leclerc. Tous les magasins Leclerc avec un t-shirt Vortex offert. Exactement. À l'intérieur. Tout ça pour moins de 20 euros. Et bah allez-y, donc dès lundi, la sortie de Marine Monster, le morceau pour commencer avec Gims, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Yes. Dans quelques minutes, on fera, parce que je vois beaucoup de messages en disant je veux poser des questions à Marine Monster, donc allez-y avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock, on fera une petite flopée de questions. Vous répondrez aux questions des auditeurs et auditrices de Skyrock d'ici quelques minutes. J'ai préparé aussi un petit quiz monstre marin. Encore ? Un petit quiz monstre marin. C'est quoi l'ambiance là ? Hier, c'est quiz. Ah, petit quiz monstre marin, on verra qui est le plus fort de vous deux dans quelques minutes, ça on le fera dans un instant. Mais Yanso, tu m'as dit en arrivant, j'aimerais bien réécouter ce medley absolument incroyable. Incroyable. Ouais, c'était incroyable. Moi aussi, je voulais. Ah, je l'ai pas dit, mais moi aussi. Et en fait. Comme t'arrives en retard, donc. Ouais, voilà, toujours. Je suis en train de dormir, en fait. Qui l'a fait, moi qui l'a fait. Dams. Dams. Ah, mais toi, t'es un bon, toi, gros. C'est un génie. Je t'ai check, t'as l'air. Non, ça, c'est Fab. Ah, c'est Fab. Dams. Excuse-moi, Fab. Il est dans le coin. Il est en train de bosser. Il est en train encore peut-être de finaliser autre chose, d'autres surprises pour vous. Bah voilà, c'est lui qui l'a réalisé ici. Il est honnête, le man. Il a dit non, c'est pas. Ouais, il est honnête. Fab, il est toujours, c'est honnêteté 100%. C'est presque. Dépend des heures de la journée. Donc, on veut réécouter, comme tu dis, le medley. Le medley pour les gens qui nous écoutent, ouais, là, tu vois, qui l'ont pas écouté hier. C'est quand même un medley, il faut le rappeler, où on retrouve tous les sons de l'album. C'est tous les sons de l'album. Mmh. Et bien fait, tu vois, bien mixé, tout ça. Voilà quoi. Donc pour donner envie justement, cet album qui sort lundi 3 novembre. Yes. Écoutez, tendez l'oreille, repérez les morceaux qui figureront sur l'album. Ouais. Jingle. Les pétards. C'est parti. Planet Rap. Je crois avoir rempli toutes mes obligations envers cette légende du monstre marin. L'équipe enquête sur un monstre marin gigantesque. Si nous descendions au fond des mers, le on est surpris de voir les créatures qui rentrent ces lieux. Y'en a-t-il? Dans ce monde, commettre un péché est devenu normal. Je ne peux pas vous suivre. Dans ce délire pour tout vous dire, quand j'y repense. Du mal à vivre, du mal à vivre. Le chétan s'est mis depuis tant d'années. N'attendez pas d'être trop. Planet Rap on Skyrock. Mais moi-même étions sûrs de donner la chasse à une sorte de monstre marin. J'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le best. Donc laisse-moi faire ça. Ça sort lundi, le 3 novembre dans les bacs. Quelques jours avant mon anniversaire. Que des potes, même si t'es prêt à tout pour eux. Tu ressens la même chose pour une femme. Je crois bien que t'es amoureux. À 18h vendredi. Avant le dernier grain de sable. Skyrock. J'ai envie de plaisanter. Je vois que t'as toujours un peu de mal à me cerner. La première fois que j'ai fait NSLO. Le 3 novembre dans les bagues. Planet Rap. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. De me poser où la jambe baillit. Et à l'heure où je te parle. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. En commençant par faire du sale. Planet Rap. Planet Rap 9-3-7-5-Crazy pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. On t'allume ta race comme les balas. On part pas dîner d'inégalas. Marine Monster les inégalas. Seven. niggas. Oh Yassine, comment? Si tu me rends un peu fou, je me barre aussi vite qu'Usain Bolt. Money, money, money, money, money. Entouré que de loups, déterminés comme Walter White. Si je te dis, je sais que le début arrive. Si je gratte mes textes, ça m'aille pas que ton mal. Moi, la maille sous du son. X, donc on vestit. 9ème zone, gros signor. Dédicace à mon cousin Ken, 9-1. Voilà pour ce medley à l'instant. Je tiens à dire, c'est encore. Regarde, c'est, Dams, il est là, il vient d'arriver. C'est l'homme à la casquette. Big up à toi. Voilà, Dams, bravo. Merci, Dams. Bravo. T'as un super bon DJ, toi. Alors, pour les tarots, c'est à moi que vous vous adressez. N'hésitez pas à demander. Je suis son attaché de son impresario. Voilà, je m'occupe de tout. Hein, brava. Non, super. Bonne commande, je te prépare le bon. Voilà, on règle ça. Bon, c'est Marine Monster avec nous entre 20 et 21. Si on faisait ce petit quiz, Marine Monster. Mais non, me fais pas le plan, tu n'entends pas, Belgique. Si, j'entends, mais je sais pas, il y a un problème de bail. Tu veux commencer comme ça? Ça, c'est du sevi. Puisque là, c'est un affrontement entre vous deux. Voilà. Ah, c'est un affrontement. C'est un affrontement entre vous deux. Qui est le plus fort? Qui est le plus fort sur les légendes des monstres marins? Alors, c'est très simple, hein. Je vais vous proposer des légendes. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est une vraie légende ou si c'est une fausse légende. C'est parti. Tu es prêt? Ouais. Prêt? Alors, par exemple, Nessie, est-ce que c'est une vraie légende? Est-ce que c'est un vrai monstre marin? C'est un vrai monstre marin. Vrai ou faux? C'est un vrai monstre marin. Ouais, c'est vrai? Yann Slow. Benji qui m'a regardé. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Ouais, vrai. Il a pas compris que c'était un affrontement. C'est un affrontement. C'est, donc, là, c'est toi contre moi. Ouais, ok, vas-y. Tu es d'accord? Mais tu grizzly dans mes oreilles là. Mais tu as le droit de le suivre, t'as dû dire. Ok, vas-y, c'est quoi? Non, mais là, il y a un point, 1-0. Non. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Nessie, est-ce que c'est une vraie légende d'un monstre marin, vrai ou faux? C'est vrai. Donc vrai? Ouais, c'est vrai. Allez. Un point pour chacun, en effet, bravo, c'est le monstre du Loch Ness. Yes. Mais je suis pas d'accord, Fred. Pourquoi? J'ai répondu avant. Je suis pas d'accord. Ah, j'étais pas prêt. Sur la rapidité. Non, je suis pas d'accord. D'accord, à partir de maintenant, on joue sur la rapidité. Alors attention. Est-ce que la légende de Kraken est un vrai? Vrai. Bah, finis ta phrase. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je te respecte, tu finis ta zone. Tu vois quoi, de là, tu. Sinon, moi aussi, j'allais dire vrai. J'ai entendu Kraken, je vais dire. Despi, on est trop deux, ce poteau. Vous savez à quoi ressemble Kraken dans ouais, les légendes? Ouais, il a les dents pointues. Je vais donner le point. Un monstre qui n'a pas les dents pointues, c'est pas un monstre, ma gueule. C'est un calamar géant. Voilà, donc je sais pas si t'as déjà vu beaucoup de calamars avec des dents pointues, mais peut-être qui sait. On en est combien? 2-0 là, non? 2-0. 2-0, c'est pas grave. Vas-y. Est-ce que la légende est une vraie légende de Smaug? Smaug? Non, c'est faux. Ah, c'est un faux. Bon point en effet, puisqu'il s'agit d'un dragon dans le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, je n'ai pas vu. Allez, 2-1. Je l'ai laissé prendre un point. Laisse pas faire. 2-1, attention. Elle allait pleurer encore. Suite. Non, mais là, c'est concentré parce que là, ça va aller très vite. Ok. Est-ce que la légende de Charib des Scylla est... Ouais, allez hop. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs comme légende? C'est grec. Voilà, c'est le... C'est vrai, c'est une légende grecque. Merci. Légende grecque, c'était un énorme tourbillon doublé d'un monstre marin qui, voilà. Exactement. Qui surgit d'un tourbillon. Exactement. On en est où dans les contes? Je sais plus. On est dans les contes. Il y a deux. Pas d'histoire, exécute. Je suis pas d'accord. Là, il y a 3-2. Je suis vraiment branché. 2-2, tout va se jouer sur celle-ci. Yes. Légende vraie ou fausse? Yes. Ce sont des vrais ou des faux monstres marins. Okay. Belgique et Yann Soul du Nine. C'est vrai. C'est pour le point, il est là. Le point, il est là. Bravo. Mais c'est décalé en fait dans mes. La contestation. Donc c'est vrai. Vous êtes des vrais ou faux? Des vrais monstres marins. Ouais. Voilà, exactement. C'est vrai. Bon, c'est ça. Désolé. On essaiera, Belgique, peut-être de refaire un autre quiz pour toi demain si tu veux. Ouais, c'est pas grave. Ouais, tranquille, au calme. Allez, pour faire pardonner à Belgique. Tiens, Belgique, t'as le droit de choisir le son qu'on va mettre maintenant, extrait de l'album. Yes. On va mettre Jean Caisse. Exactement. On va lancer Jean Caisse. Jean Caisse. Allez, c'est extrait de l'album qui sort lundi dans les bacs. Vous pourrez entendre ce morceau qui s'appelle Jean Caisse. C'est parti. Pour tous les gars qui encaissent. Les gars qui ont commencé d'en bas. Jean Caisse, j'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon refrain, je suis le best. Donc laisse-moi faire, ça m'intéresse. Je suis des gens. Encore la terreur. tu me testes, pas ton refrain. Anis et Adlem. Hein? 9ème zone City. TN Crew. Hello la famille remplie d'hypocrisie. Oui tu sais que ça va chier, je sais bien que tu vas criser. C'est samedi 02. Tu bégayes rien que ça grésille. Ça jette sur moi sans arrêt comme l'Algérie au Brésil. Tu te manges des coups là ça devient physique. Vous seriez prêts à tuer pour de la musique. Contrer leur charinga. Mon gars bise. J'ai guise mon flow, ma vague à ma souple à prise. N'écoutez pas, je suis étalé. Je sais faire comme Alim. Hachim. Adlem, tu es vert, Robert. N'écoutez pas, je suis taré. Je me sais pas comme animal. Un jour ou l'autre, je vais me barrer. J'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire ça, ma télé. Les gars du McDo. J'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire ça, ma télé. Chez moi devant mon petit plasma, j'entends des conneries tous les jours passer à côté de moi. À seul tu vois de quoi je parle, je vais pas t'en faire un schéma. Mais mec, des je vais faire des jaloux, c'est jamais ça schéma. 2014, c'est des petits jours au. Mais que se passera-t-il le jour où je roulerai en Panamera? J'ai le dos tourné et tu me checkeras dessus comme à la main. Je dis la vérité, je dis pas ça que pour faire de la malade. Je m'incrustais dans des ambiances. On me disait que fais-tu là et que maintenant je manque de rien. J'habite même dans une villa que j'aurais pris la grossette de pique, je suis dans subliminal. J'entends même tous les jours, est-ce que t'as serré Bella? Je t'attends même plus sur un bon vieux matelas. S'il y a une grosse équipe qui descend, les gars, montez là. On reproche même des trucs à Nelson Mandela. Un disque d'or, un peu d'argent et puis le monde est là. J'encaisse. J'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire ça, ma déesse. Je suis intelligent. Que les gens paresse, 9-3-7-100. Face au refrain, je suis le test. Les gars sur du roof, 5-9. Kenny Wesh. Ouais. Mais allez, je compatis. Bande de bluffeurs, vous et moi, on n'est pas compatis. Je marche avec 2-3 refrains. Harry ne parle pas de ma team. De belle MC, j'ai été sélectionné. Pour mes gars, creux. Tu crois plus, mais tu pâtis. Pendant que j'accélère sans cesse, on s'en tapine. Une tapine et le sang de cesse. Le coulet, me lécher les boîtes, maintenant tu t'en presses. Enculé, tu voulais me douiller, maintenant t'en fais. Faut m'inquiéter, pas le temps de péflo. Je fais plus de zéro sur le papier. Je veux voir mon logo sur le Figaro. Détaillé, faire une bonne promo et pas couler sous l'eau. Bataillé, flow et puis pratique. Et vas-y, Betty, n'oubliez pas le 3 novembre dans les bacs. Allilou, MHD, African Spartiate. Bataillé, flow et puis pratique. Et vas-y, Betty. J'en teste, j'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire ça, ma télé. Je suis mon gars Villeneuve, Walid. Mais qu'est-ce que tu me testes? Walid de Villeneuve. Laisse-moi faire ça, ma télé. Nios, ouais, Nios. C'est vrai que les gens se testent, mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le best, donc laisse-moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté. So c'est vrai que les gens se testent, mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le best, donc laisse-moi faire, ça m'intéresse. Le 700 squad. Déjanté. À l'instant, Jean Caisse, extrait de l'album Marine Monster qui sort donc lundi, à pas louper. Ils sont là avec nous toute la semaine entre 20h et 21h, Belgique. Yann Slow du 9, entre 20 et 21, à découvrir cet album. Jean Caisse, vos réactions, et dans un instant, on posera toutes vos questions Marine Monster avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Bougez pas, un petit point quand même sur la façon d'écrire sur cet album. Vous êtes plutôt ambiance studio, c'est. Ouais, il y a eu des ambiances studio, c'était exactement du live, on écoute l'instru, on gratte sur place. Il y a eu aussi chacun chez soi, on nous envoie la prod par mail. Exactement. On a le thème, moi, Yann Slow, on s'appelle au téléphone. C'est plus, en studio qu'on dans l'ambiance de studio qu'on arrive à bien. Il y a des thèmes sur lesquels vous étiez d'accord, d'autres un peu moins. Ouais, ça arrive, c'est ce qui est normal. Hein. Bien sûr. Quand, bah oui, généralement quand on fait partie d'un groupe, c'est. Ouais, bah ouais. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de morceaux mis de côté. Il y en a eu pas mal. Une bonne dizaine. C'est quoi les critères? Alors les critères pour pour être sur cet album, quels ont été les critères de ces morceaux? Il y avait des sons qui n'étaient pas encore à la hauteur. On voulait vraiment frapper fort pour un premier album, voilà. Aujourd'hui, c'est notre premier projet. On a décidé d'appeler ça un album. On n'a pas voulu faire un premier EP, mixtape, comme on peut le voir. Street CD. Voilà, exactement. Ouais, Street CD, ça. Donc, on voulait vraiment frapper fort, créer une marque. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a, on a vraiment été sélectif. Bon, bah, l'aventure en tout cas est en route pour les Marines Monsters. C'est ça. On reviendra dans quelques minutes. Vous ferez un live ce soir, messieurs? Ouais, ouais, ouais, le live. Ce soir, c'est Panamera. Ah. Le live de Panamera. Ça va être chaud. Live de Panamera, exactement, qui va d'ailleurs avec cette opération avec incroyable. Qui va avec le concours qu'on répète toujours. Hashtag Marine Monster en Panamera. Je voulais que je fasse. Voilà, on vient vous chercher. On vient vous chercher en Panamera. On vient vous chercher en Panamera. On téléchargez l'album. Tweetez la capture d'écran avec l'album précommandé et vous y ajoutez le hashtag Marine Monster en Panamera. On va sélectionner un gagnant. La personne, on vient la chercher, que ce soit une fille ou un garçon. Hein. J'ai eu une question tout à l'heure là. Ouais. Que ce soit une fille ou un garçon, on ramène la personne à la boutique Vortex, 9 rue Tiqueton, Paris 1er. Et habillé de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Voilà, c'est ça, on peut toute la France. Looking extrême. Toute la France, on fait venir la personne si elle est trop loin, si c'est dans le sud, machin, tout ça. On l'a fait venir. Mais faut récupérer, donc soit à la gare, soit à la... C'est pas un problème, Montparnasse c'est à côté, Gare de l'Est c'est à côté. Orly. C'est normal. Ah ouais, t'inquiète c'est pas. C'est à côté, t'inquiète pas. Roissy, c'est pas très bien. On vient les chercher à la gare, on les emmène à la boutique Vortex. On les reluque et puis reluque de la tête aux pieds. Et bah très bien, donc allez-y, précommandez cet album de Marine Monster qui sort lundi dans les bacs. On va revenir dans quelques minutes, on mettra donc il y a le live de Panamera et quel morceau on mettra aussi, messieurs? Après on met excuse-moi, j'allume la mèche. Et bien ce sera juste après ça, on vous attend aussi au freestyle de Planète Rap sur Skyrock, bougez pas. Comme toi, Marine Monster a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ils sont là avec nous, les Marine Monster, toute la semaine entre 20 et 21. Ouais, on est là Skyrock ou quoi? Ouais. Avec une grosse équipe, un gros soutien autour de vous. Il y a Amara. L'inso. Et qui est insolent de l'institut. Oui, il est où l'inso? Il est là. L'inso, viens check vite fait, viens check le délire. Il vient soutenir les frérots. Il s'approche du micro, en même temps il y a du monde pour s'approcher, donc voilà l'inso. Il met le cas, ça va bien l'inso? Ça va tranquille. En pleine, vous avez vu, j'ai pas dit de conneries, j'ai dit l'inso aujourd'hui. Non, c'est dans la sas, ça, c'est l'inso, mais sinon c'est un peu insolent. Hier d'ailleurs, il nous parlait de l'institut justement, voilà, que vous les aviez vus aussi grandir. Ouais, c'est mon gars. Je me dis que c'est comme mon petit frère. Et Yann Slo, c'est moi-même, je l'ai recruté dans le neuf, je l'ai ramené dans mon petit car, je l'ai fait kicker des textes salaces. Maintenant aujourd'hui, il est là vénère. T'as un souvenir justement un peu plus jeune quand ça rappeur sur le terrain? C'est lui qui m'a ramené, si tu veux, dans les entrailles du rap dans le neuf. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a ramené devant les kickers. J'ai kické parmi les kickers. Je me suis fait ma place. Il y avait déjà pas mal de kickers, donc qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, il y avait même des jaloux parce qu'ils ont dit: comment ça, t'as pris lui? J'aurais dit: écoutez, c'est simple. Moi, je vais pas te mentir. Jarod, il m'a fait écouter un son de Nissa il y a très longtemps. Il m'a dit: un son, lui, il faut que tu l'attrapes. Il m'a dit: il faut que tu l'attrapes, tu le ramènes au Tchèque, le talent a parlé. Voilà, après maintenant, on l'a ramené au quartier et tout. Il a fait son queue-truc. Il a fait son queue-truc, quoi. On est mon gars Badjik. Si tu veux, en fait, insolent, moi, maintenant, tu vois, moi, je suis de Drancy dans le 93, mais avant que je déménage à Drancy, on habitait dans la même rue et tout, dans le même bâtiment, moi, insolent. Tu vois, c'est pour ça que c'est l'école, Gims, tout ça, tu vois. Bon, après, moi, je suis parti étant jeune, tu vois. Je suis parti vers une autre sphère, tu vois. Il est parti vers le zoo. La vie fait que parfois on voyage. Voilà, exactement, tu vois, on voyage. Et c'est pas plus mal, en vrai, tu vois. Et d'ailleurs, dès qu'il est revenu du zoo, je me souviens, on était au clip de What It By Night. Exactement, ouais. On avait une petite prod. Yes. Maintenant, le Mister Bedic nous a lâché un texte du zoo, man. Texte, poto. Et là, poto, on s'en est mangé une bonne. On a dit: non, franchement, toi, ça promet. En tout cas, l'inso sur l'évolution, t'es pas déçu? Franchement, je suis pas déçu. J'allume la mèche, tout ça. On est branchés. Il y a mon gars Yann Slow, rigole même pas. Vous le voyez comme sous ses lunettes. Bedic, encore moins. Il y a du Gims dans ses veines, tout ça. Faut même pas rigoler. Faut même pas rigoler avec eux. Voilà. Et merci d'être passé, en tout cas. On est là. Dans un instant, on va faire la flopée de questions envoyées par tous les auditeurs de Skyrock. Le freestyle par téléphone. Est-ce qu'on met un morceau? On avait promis quoi comme titre? On avait promis J'allume. On avait dit J'allume. Ah bah J'allume. Qui est le nouvel extrait de l'album. Et voilà, qui est déjà dispo, qu'on peut trouver. Exactement. On peut trouver sur YouTube, sur notre page Marine Monster Vevo. Il est en vente même sur iTunes. Eh bah allez-y, allez cliquer. Partout, voici partout, J'allume. Partout. Hamou, c'est pour toi celle-là, tu te rappelles? Docteur Beriz. Big up. Clichy pour un peu tout ce que je disais de vrai. Un sentiment de haine et d'incompréhension m'affolent. Je me suis juré qu'un jour me vengerai, j'y arriverai. J'encaisse les torts et face à moi sont closes toutes les portes. Paraît-il que je suis trop énervé. Un mec propose du taf, s'avance vers moi puis m'aborde. C'est comme s'il m'avait observé. M'a proposé d'allumer des mèches. À la base, ça ne m'en valait pas des masses. Repensant une seconde à ses élèves qui m'insultent, me traînent, puis me tabassent. J'ai décidé de me lancer, ça va partir. On m'a dit allume la mèche, éloigne-toi, ça va péter. Coupe de champagne et diplôme encadré. Suivi d'un tonnerre d'applaudissements, tout ça passe. Je suis dedans, moi je trouve pas ça embêtant. Des mecs qui me donnent le sourire et savent que je prends pour un passe-temps. C'est vrai que je fais des horreurs, rien à foutre quand je viens à l'heure. Je fais sauter des villages et des familles au bord de la peur. Et j'en passe, égoïste, je le suis. Monster, le 3 novembre dans les bains. Voilà ce que je suis devenu. Aujourd'hui je rentre plus tôt que prévu. Un appel téléphonique m'a surpris. J'ai pas les blagues. Pris l'imprévu, une mauvaise nouvelle j'ai appris. C'est la merde dans mon village, ça parle de décapitage. Je perds son froid dans l'habitacle. À l'arrivée, pétage de câble. Je soulève des débris énormes. Des corps amputés, même des morts. Des arbres et des jouets de monde. Des flammes forment le décor. Où est ma femme? Ceci est une fiction. Où est mon gosse? Quand vous verrez le clip, c'est la fin. C'est la fin. Et tout ça. Parce que j'allume la mèche, j'allume la mèche, j'allume la mèche, j'allume la mèche. Je suis au bord de la falaise, au bord de la falaise, au bord de la falaise, au bord. Le 3 novembre dans les bacs, le 3 novembre dans les bacs. Le 3 novembre dans les bacs, 9ème zone, Grand Sud Nord, le 3 novembre dans les bacs. J'allume à l'instant, c'est un morceau que vous retrouvez sur Marine Monster, l'album qui sera dans les bacs dès lundi, lundi 3 novembre. On est à 6 jours maintenant de la sortie, messieurs. Hey, ouais, niggas. Ça va, détendu, bien. Oui. Détendu, au calme, au tu calme, vois. Bien. Je vois au beaucoup calme. De tweets en ce moment qui me disent dès que j'entends ce son, je m'apaise. Ouais, moi aussi, j'ai vu. Ouais. Regardez, ça n'arrête pas. Voilà, calme, le morceau. Allez-y, 41759 avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Je kiffe ce son, une tuerie ce son. Voilà, j'allume la mèche. Les messages qui n'arrêtent pas de tomber pour vous, les Marine Monster. On va accueillir maintenant par téléphone Fred Style de Saint-Avold. C'est bien ça, Fred Style? Allô? Allô? Ouais, Fred Style? Ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Bienvenue dans Planète Rap des Marine Monster que je te présente. Dieu, salut à toi. Il vient pour le freestyle par téléphone. Salut. T'es prêt à tout niquer? Ouais, je suis prêt. Et bon, on va t'écouter, t'as une 30 pour tout déchirer. C'est parti, session freestyle par téléphone, on y va. Yo. Yo. À quoi ça sert? Yo. À quoi ça sert de tirer? À quoi ça sert de tirer? À quoi ça sert de piler vers les piles et de dépiler pour se tirer des... Milliers de billets, violets, boulets, boulets, pourrés dans la poule. Maintenant, ne m'en voulez pas. Si des fous débats et vous foutez des bas, c'est un coup d'état, ne nous roulez pas. Et ça papote et papote, c'est que des paroles et paroles. T'arraches pour trois d'autres, qui s'arrache quand y'a les love, ouais, quand y'a les love. J'ai mal au ventre, la fin du mois approche et quand je pense me lever, les mains liées, les mots limés, le mille et mille et mille, le but, le mille et mille, les mots les mieux. Yo, yo. Je sais le destin, je contrôle pas les poches, pense au défunt. Toi c'est pas le cas, je fais du maniement, des mots de ce combat, des man, qui sont lève-t-on vers tous ces rebelles qui combattent contre bordel. Contact de maladies mortelles dans les bombes bactériologiques par mêlement dans le cortex, dans ce flux vortex. Phénomène, ménomène, sur un branche, car j'écris. Non, pas pour me star, même dans tes rêves, tu ne pourras pas me tenter de sombrer, tenter, manipuler au star. Ok, check ça, et si les sales prends pour une vendetta. Je veux la vie, me donne le temps, c'est pas le sépa. Je m'en sais pas. Disais que dans 16 ans, y'a de l'usure, le futur est dans tes dents. Allumer le feu, le même qualité dans le temps. Chez moi, la réalité passe droit devant. Le vent m'emmène, nous, ça t'emmerde. Qualité des parités, nous, pas de terme, parité. Oui, demande comment faire pour t'afficher. J'ai pas l'identité à tous ceux qui m'attendent en bas. Ouh, le mec ne respire pas. Je veux pas me tirer, pas l'idée d'allumer, pas que ça fouche. Dans ce monde, y'a que des salopes. Tout le monde met la main dans sa culotte. Moi, le mène et mes laveuses dans le pot, mon pote, y'a. À l'instant, Fred Style en freestyle. Merci à toi, Fred. T'as vu ça, Fred? Petite dédicace, on peut te retrouver sur le net. Dis-nous tout maintenant. Que je peux faire des dédicaces. Vas-y, c'est ce que je viens de dire. Vas-y. Je fais une dédicace à Radical, Emixam, ouais. Cor, Sissignano, Ludo, Nico qui est au ciel. Ah oui. Et à toute la clique, à mon cousin aussi. Dédicace au mec de Creutzwald. Yes, Fred chez c'était toi. Lourd. Merci c'était à toi, Fred Style. Fred Taille. C'était lourd, mon gars. Hey, en tout cas, Fred, Dixal, hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de WhatsApp avec Gims, là. Il est en train de nous écouter de l'étranger, là. Ouais. Juste pour info. Ouais, alors, ça pour info. Ça veut dire que là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit pour c'est très, très dangereux. Ah ouais. J'ai des preuves à l'appui. Est-ce qu'il est content de ses poulains? Est-ce que tout va bien? Et il va nous faire un fauneur comme il n'est pas là, malheureusement, cette semaine, il est à l'étranger. Cette semaine, il va nous faire le plaisir de nous faire un petit fauneur. Ah bah, on va appeler Gims. C'est toujours un plaisir d'avoir Gims en ligne, donc ce sera dans la semaine. Donc plein de surprises d'ailleurs cette semaine. On m'a dit qu'il y aurait des surprises. Demain, il y a un petit invité surprise aussi. Eh oui. On m'a dit que vendredi aussi, normalement. Vendredi, il y aura du monde, c'est autre chose. Vendredi, il y aura même un petit surprise. Voilà. Ce qui paraît, vendredi, il va se passer quelque chose d'incroyable. Je dis pas. Voilà. Ouais. Mais restez à l'écoute tous les soirs entre 20 et 21. Tiens, petite flopée de questions pour vous. C'est les messages qui sont arrivés via le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Shaina qui nous envoie ça, qui demande où est-ce que vous avez trouvé les inspirations pour les nouveaux sons. Est-ce du vécu? Est-ce que c'est de la fiction sur certains morceaux par rapport aux thèmes qui sont développés? Il y a du vécu. Il y a beaucoup de vécu. J'allume, c'est de la fiction. J'allume, c'est un son fiction. Mais son, avec une morale derrière aussi, c'est pas de la fiction pour rien, tu vois. C'est vraiment... Des sons comme du mal à vivre, tu vois, c'est du vécu, quoi. Ouais, tu sais, on parle de, du mal, tout ça, de ce qu'on peut faire tout au long de notre journée, des potes à nous, des proches. Il y a d'autres sons aussi, tu vois, c'est du vécu. Même quand ça rappe fort, tu vois, un son comme Dallas. Ce que je dis à l'intérieur, ce que Yann Soy dit, c'est la rue, tu vois. Voilà, c'est voilà. Donc c'est un mélange de tout sur cet album. Non, c'est pas un pur du pur fiction, sinon on est en train de faire des films, tu vois. Donc pour répondre à la question, il y a des sons à thème comme Si tu savais, comme mais il y a beaucoup de sons pour un premier projet. On a choisi de faire beaucoup de sons, tu sais, d'enjaillement, comme on dit. Yes. Des sons qui voilà. Qui permettent de décompresser un petit peu quand on écoute l'album. Ouais, c'est ça. Question de Kader qui demande si vous prévoyez une tournée des Marine Monster. Est-ce qu'il y a des dates déjà annoncées? Bien sûr. Bah déjà, au moins des petits showcases ou des. Partie du de la tournée de Maître Gims. Pour 2015. Très bientôt en 2015. Donc il y aura déjà ça. Donc je pense qu'on va tourner pas mal avec ça aussi. Et des showcases, il y aura des dates aussi sûrement, je sais pas, le Brava. On va communiquer. Donc il faut suivre les réseaux sociaux, peut-être. Ouais, voilà. Où est-ce qu'on vous suit d'ailleurs, les Marine Monsters, si on veut vous suivre? @MarineMonsterMMC. Voilà, après on a nos Twitter perso, @YanSlow_du9, @BedgicMMC. Facebook, pareil. Voilà pour Kader. Jordan qui demande avec quels artistes hip-hop aimeriez-vous collaborer. Alors on l'a dit hier, il y a un featuring avec Snoop Dogg. Ouais, voilà. Ça, c'est quand même déjà un haut niveau. Ça c'est cadeau. Mais est-ce que vous avez des petits regrets sur l'album? Vous auriez bien aimé faire des morceaux avec des gens? Ça n'a pas été possible pour plein de raisons, de temps, de... Pas sur l'album, pas sur cet album en tout cas. Parce qu'on a vraiment décidé de faire un album vraiment à deux, malgré qu'il y ait un feat avec... Enfin, deux feats avec Gims et X-Kings. Mais ça reste la famille. Mais en vrai featuring, on n'a pas voulu vraiment faire de featuring sur ce projet-là. Voilà, vraiment marquer le coup. Marine Monster, le 3 novembre dans les bacs. Enfin, Magic, Sophia qui pose une question que je trouve intéressante, qui demande quelle est pour vous la figure emblématique du rap français à l'heure actuelle. La figure du rap français emblématique. Ouais. Bédic, je te laisse le mot. Là, tu lui files la patate chaude, toi, d'un seul coup. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'il écoute beaucoup de français. Ouais, non, il écoute, il aime bien. Il aime bien ce qui se passe en ce moment. Si on se refaire aux chiffres, aux chiffres, Games. Aux Games, aux chiffres. Mais bon, après, dans le rap, vraiment. Moi, je parle chiffres. Dans le rap, dans le rap. On a compris, brava. Dans le rap. Tu vois, il y en a plein. B2O, voilà, j'en passe, tu vois. Et puis voilà, tu vois. Il y a Gradidur qui fait un bon buzz. Ouais, aussi, Gradure, ouais, qui était avec nous la semaine dernière. Ouais, Caris aussi. Exactement. Caris. La crime. La crime aussi, directement. Vous écoutez, toi, t'écoutes plus rap Caris? Yanso, j'écoute pas de son, moi. J'écoute que des instrus. J'écoute que du Yalatif Beats, ma gueule. Et du Price. Ah, ouais. On s'inspire que de ça. Ouais, moi, j'écoute beaucoup de musique rap américain, rap français. Voilà quoi. T'écoutes aussi beaucoup de l'album Marine Monster, je suppose, en ce moment. Ouais, là, je l'ai trop rodé. Je crois que tu connais. Je sais qu'ils sortent là, tu vois. Je crois que tu connais par cœur. Bon, avant de passer au live de Panamera, on met un morceau, messieurs. Lequel? Alors, avant le live de Panamera, on va mettre une exclue qu'on a fait chez toi en live. Je sais pas si tu te rappelles, le son s'appelle Dallas. C'est vrai que vous l'aviez fait dans un planète rap. Exactement. S'il vous plaît, mettez le son à fond chez vous, voilà, dans votre caisse. Voilà. Parce que là, un petit mot, comment est né ce morceau Dallas? Non, mais il est gang, gros. Ça, c'est un son, c'est la rue, poteau. C'est la rue, poteau. Tu vas sentir de Rancinum, poteau. C'est nos entrailles, ce son-là. C'est nos entrailles. Vraiment. Des entrailles, ça c'est le côté street, vraiment de nos vrais côtés, tu vois, le côté sombre, pur et dur. Côté sombre de Belgique. Voilà, jingle. Alors attention, ce morceau on va le découvrir maintenant en exclu. Ça s'appelle Dallas. Je compte sur vous pour les réactions. On fera le débriefing juste après, donc le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Le morceau s'appelle Dallas, on le balance? On le balance direct. S'il te plaît, merde. Ouh, y'a la Tif Beat. Ayant grandi dans un cercle vicieux, je suis le meilleur mais ça reste officieux. Plaquage au mur de monsieur l'officier, caractère de monstre mais j'en oublie pas les cieux. C'est vrai que c'est navrant, oui monsieur l'agent, qui peut me tester en français t'entends. J'attends ça depuis le temps, me cherchez pas, j'ai cassé des verres sur ta face, bouteille de Belvédère, béton pour un test salivaire. Voilà comment passer un salivaire, toute ma vie dédicace et faire ici. C'est la devise avant que j'arrive, flopage millimétré, faut que je te finisse. Maintenant faut copier, je veux le flou, Saliberry. Je le lève pour vous, mais plus rien de matrice. Moi aussi, je me devais de prendre du bif. Le plus jeune va forcer d'être des gifs. Monstre marin, poteau copain de marée. Ça commence à me faire marrer, putain de rat de marée. Y'a même plus toi, c'est marrant, petit rentier des parents. Je navigue, y'a une sur un catamaran. Fais du jack, ouais, c'est chiant. 5-6 verres, mais viens nous zou. Elles sont doux. Des Kardashian, mais dans la tête, même pas le Kardashian. Le 3 novembre dans les bains. Le 3 novembre dans les bains. Le 3 novembre dans les bains. Salam, shalom, tu peux disposer. Double MC dans le game, on est venu se poser. Foutez-moi la paix, j'ai pas très envie de causer. Ne vois-tu pas que les fonds marins sont en train d'exploser? Marine Monster, on va vous arroser. Paraît-il que pour un premier, j'ai brosé t'oser. Oui, c'est t'oser, t'exploser, t'oser. Tu peux t'éclater, t'es pays de rosé. Cousine, ne m'approche pas comme si je faisais le carré. Tu peux garder tes mots doux, tes bisous, tes caresses. Tu t'es mal depuis tout à l'heure, on dirait bien que t'as l'air. Pas les découpes, je t'ai dit t'as l'air. Vaut mieux pas séparer. Bombe le tort, c'est pas fort. Comme si t'es étalé. J'vais t'nieco, tu m'nieco. Dans ton rêve, j'suis carré. C'est Yann Slow, 9ème zone. Pour la guerre, j'suis paré. Si j'péta ton gaffa, vaut mieux pas séparer. Bombe le tort, c'est Paris pas fort. Paris 109ème zone, comme Siri, tu connais. J'vais t'nieco, tu m'nieco. Dans ton rêve, j'suis carré. 9, 3, 7, 5, rêve, c'est pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. Les petits rêves du million dollars. On t'allume ta race comme les balas. On part pas gilet d'inégalas. Mary ment sur les inégalas. Wow, wow. 9, 3, 7, 5, rails, c'est pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. Les petits rêves du million dollars. Wow, wow. On t'allume ta race comme les balas. On part pas gilet d'inégalas. Mary ment sur les inégalas. Wow, wow. Le 3 novembre dans les bains. Bitch! Le 3 novembre dans les bains. Montre pas si t'as un gros palace. Dédicace à mon petit frère Darcy, j'ai ma ville. On part pas d'idées inégales. Mary ment sur les inégales. Lady Bapri. Le 3, 7, 5, rails, c'est pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. Woodpecker, on est ensemble. On t'allume ta race comme les balas. On part pas d'idées. les inégales, very mon sur les c'est le nine. Francine Nord. Le 3 novembre dans les bacs. Voilà, à l'instant, ce morceau en exclu qui s'appelle Dallas. Je vois les réactions lourdes, c'est du lourd, ça une tuerie ce son. Allez-y, c'est des monstres, tout simplement, pour résumer. Au 41759, le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Bon son, franchement, il tue, toujours au top, les gars. Message pardon, d'Anaïs qui nous a envoyé à l'instant. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Un son donc, qui sent Drancy. Ouais, qui sent tout. Moi, Yanso, c'est la fusion, quoi. Fusion. On l'appelait Dallas pour dire que, tu vois, on vient de Paris. Paris, c'est pas Dallas. C'était juste ça, en fait. On voulait l'expliquer, on voulait le dire, et puis on l'a fait en mode musique. Paris, quoi. Région parisienne, puisque tu disais ton affection justement avec Drancy. Ouais, voilà, la banlieue, tu vois. Moi, je suis côté banlieue. Yanso, c'est la capitale, tu Paris, vois. Paris, c'est pas Dallas, mais. Voilà, Paris, c'est l'île de France, quoi. On est tous ensemble, tu vois. Marine Monster avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. L'album sort lundi. On va attaquer le live, mais juste avant, j'aimerais quand même qu'on rappelle, puisque le live que vous allez faire maintenant, c'est Panama. C'est j'aimerais ça. Qu'on rappelle qu'il y a quand même une très belle opération. Fred va l'expliquer. Si tu veux. Expliquer ce coup-ci. Tu veux que j'explique? Vas-y, mon frère. Très simple. L'album est en précommande. Vous le précommandez tout de suite. Allez, tout de suite. Et jusqu'à vendredi. Vous faites la capture d'écran de votre portable, de votre téléphone, de là où vous voulez. Vous l'envoyez avec le hashtag Marine Monster en Panamera. Vendredi, tirage au sort et l'un ou l'une d'entre vous non seulement fait un tour en Panamera avec vous. Un sacré tour, hein, c'est pas 10 minutes. C'est un sacré tour, c'est ça. C'est aller-retour, quoi. Non, on blague pas. Et la journée dans la boutique Vortex. Exactement. Pour se faire habiller de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Est-ce même si vous êtes une fille. Là, il a été clair, là. Ça va, tu retiens, toi. Si tu connais ton métier, toi. T'es là depuis longtemps. Merci, Benji. Sympa. On y va pour Panamera en live. Moi, je suis chaud, hein. Ça va, toi? Yann Slow, Benji. Ouais, toujours. Direct. Toujours. Ouais, je suis chaud, vas-y. Calme. Et on fera tourner la roulette après. C'est parti. C'est le soleil qui tape à la tête, arrête de prendre comme mes degrés. Si je décide de te faire du bien, ça sera seulement de mon plein gré. Je passe à la télé tous les jours, la vérité, je n'étais pas prêt. Si ça pète, t'inquiète pas frérot, je déménage la semaine d'après. La vie c'est dur, obligé de bicrave dans les bâtiments. Je veux te gratter du buzz, tout en faisant des compliments. Francine Nord, comment puis-je oublier tous ces bons moments? Envoie une capote dans l'oreille car moi je baisse auditivement. Gros démenteur au commissariat, je dis pas la vérité. Si vous avez un doute, je m'en bats la race, vous avez qu'à vérifier. Pas encore le permis, toujours à pied au maître le pétier. Une revanche sur ma vie, comme ça je serai sans pitié. Le canon va te scier, même si t'as le corps d'un âme. Ton meilleur pote peut se cagouler, venir braquer dans ton appart. C'est pas encore plus vite, avec tes commentaires blessants. C'est pas parce que je me livre que t'arrives à dire ce que je ressens. Si tu m'as vu rouler en Panamera, la ville est une autre et pour le reste on verra. Je veux pas finir à Guantanamera, je me dois de vous l'avouer. Je veux m'en aller avant de tomber dans les flammes. Je veux m'en aller avant le dernier grain de sable. 9e zone city. Ok, 9e zone city. Viens slow, monte le 3 novembre dans les bars. Poto, hey. Crédibilité, hey, je veux du khalis. Puis en toute humilité, je voudrais seulement quitter Paris. L'argent ne fait pas le bonheur, tu mérites que je te salisse. Je veux mettre la mi-face de lait, tout en balise dans le talis. J'ouvre la terre du milieu, dingue va souffrir. Et une ciao, ciao, ce que tu fais est périlleux. Non, t'es pas sérieux, fuck les frocs, les dénieux. Dis pas de bêtises, c'est des outils scandaleux, vous êtes mieux. Cousine marche droit, je te regarderai dans les yeux. Crois pas qu'en pétant plus haut que ton cas vu t'atteindra les yeux. Tu n'es que le michetot, je voudrais ta part. Allez, grâce à Dieu, y'a pas de fissure. T'avais prévenu, j'ai la dalle. Tu vas mettre en à chaque single. Laisse-moi encore un peu de temps, c'est perdu. Tu as deux fingers, tu sais d'où ça vient. Ne viens sous ma jungle. J'ai plus rien à vous trouver, point par que jingle. Si tu m'as vu rouler en Panamera, la vie n'est qu'une autre, et pour le reste, on verra. Je veux pas finir à Guantanamera. Ah oui, mon gars, je veux l'avouer. Je veux m'en aller avant de tomber dans les flammes. Je veux m'en aller. Avant le dernier grain de sable. Rien ne pourra dépanner la gifle. Gifle. Si un jean s'approche, je trouverai Harry Gifle. Gifle. Mon pistan chez nous fait kiff. Et ton bif. Et n'oublie pas tes refaux, j'tard comme un rifle. Gifle. What's up? Ah ouais, ta money, ma mère. Je touche pas de gros sommes. On kiffe tous la mal à quand t'as pas de l'eau, et t'as trop le seum. Tu veux t'en aller? Tu veux t'en aller? Si tu m'as vu rouler en Panamera. On verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, Aïe aïe aïe. Marine Monsanto. On nous dans les bagues. On nous dans les bagues. Blé. Toi t'es incroyable depuis tout à l'heure. C'est Ferris ma gueule. Est-ce qu'on peut nous présenter cet ambianceur? Ouais, lui, le guerrier légendaire. C'est Ferris, le guerrier légendaire de Drancy Nord. Tu vois ce que je veux dire? On est là. Ah, tu nous as fait des bras, des ou, des trucs. Là, on est ensemble. C'est le gaba d'enfance, lui, tu vois. On a eu le droit à faire Merci, hein. Franchement, si tu veux encore une dernière, t'exprimer une dernière fois, n'hésite pas. C'est Ferris, tout simplement. 93, Drancy, c'est lui, tu connais. On est là avec l'équipe, et puis voilà. Eh ben, bravo, Ferris, j'espère que tu reviendras à l'ambiance. Merci, Ferris! Bonsoir, bravo! Bravo! Vous avez besoin de soirée, de mariage, n'hésitez pas à vous demander. 07 68 54. Et vous demandez Ferris. Une spéciale dédicace à mon gars Woodspecker. Woodspecker, le gars du 9, à Mox, t'es où ma gueule, wesh? À mon gars Hamid. Attention, il y a Brava qui a parlé. Le Brava qui veut qu'on remette pour conclure le Pénétraple pour commencer. Pour finir, ça donne une bonne ambiance pour se quitter avant de se retrouver demain et avant de faire tourner la roulette. Voici pour commencer Marine Monster. Le 3 dans les bacs, le 3 novembre. Ferris, on dit quoi? On est là. Je n'ai pas changé depuis. Ouais, c'est la Rubicon sur ce son, ma gueule. De me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Très on est où ma life, en commençant par faire du sol. Make you wanna know du nine. Je n'ai pas changé depuis. Du nine, hein. Le time de me poser où la jambe aillit. Insolent la réincarnation des épées. Je suis peut-être dans un autre pays. Mais lui, mon star, malade, le 3 novembre dans les pays. La la la la. Make you what I know. Yann Slow, du na na na na na. Yann Slow, mais viens mieux. J'allais mis le meilleur. Et puis les flics, les fanatiques de Palimpana. 9e, 9, on arrive en balle. Fix ma bloqué dans un Sharingan. J'arrive en balle, c'est t'as le time, vas-y taille frère. 9e zone, que des gaps sales, que des bails frais. J'ai la dalle, j'vais tout grave, oui, ça va faire. J'ai la technique, ma beauté n'est ton boyfriend. C'est la street, là où y'a pas de plan. Pièce là où ça cache d'un coup et des flingues dans des packs pompes. C'est un hold up, oui, vous êtes mort depuis. Monstre marin, qu'on prend un soleil qui est black panther. Hello, si je tape, que des cons, si je tape. Comment dans le film, comme un décor autour de si je tape. Plus de temps, faut qu'on stack. Au vif du constat. Yes, go, make you wanna know, wanna constat. Make you wanna know, du line. Je n'ai pas changé depuis. Eh, ce son là, c'est le feu, la tête de ma mère. Posé où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle. Le 3 novembre dans les bacs. Pour raconter ma life. What? You go. Shit. Make you wanna know, du line. Les mecs de Drancy, arrête. Je l'offre. La mairie, c'est un petit bon. Je vous raconter ma life. En commençant par faire du ça. La la la la. Yakuba, Takim. Le 3 novembre dans les bacs. On va commencer par faire du ça. Hey yo miss, I'm sorry. Si ton cœur je l'ai déjà zébré, tu me verras m'enjailler avec toute ma clique. Mais jamais sauté, je vous rivalise ou dévalise. Pendant que Muggy gère le bis, je veux être vendu au West Indies. Marine Monster, rest in peace. Tellement, aucune terre. Laisse-nous faire. Ce morceau c'est juste la l'air. Comment vous dire qu'on arrive en dessous? Putain, les gars, je vais pas vous faire un dessin. En fin d'année, vous allez vous chier dessus. Ouais. C'est vrai qu'on veut des sous. J'ai pas le genre de mec posé au bar. Ouais, prochain. Devant la barre. Ah, retour. Je n'ai pas changé. Mais qui voilà, non, t'es où, les gars? Putain. Nous sommes peinés, comme c'est Benjigou. On est ensemble. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Urban Clan, F-Clan, on est là. De me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle. Bon, sinon c'est chaud, on dirait, hein. Dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. En commençant par faire du sol. 9e zone, city. Make you wanna know your Yann Slow, du na na na na. Tu connais, hein. Je vais commencer par faire du sol. Y'a la TV. Ok, prends nos bonnes dans les bagues. Du na na na na na. On va commencer par faire du sale. On va commencer par faire du sale. On va commencer par faire du sale. Rapide de sorcelle. Le 3 novembre dans les bagues, niggas. Le 3 novembre dans les bagues, niggas. H Magnum. Le 3 novembre dans les bagues, niggas. Le 3 novembre dans les bagues. Le 3 novembre dans les bagues. Make you wanna know the line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. Je sais pas grave, on dit quoi. Et à l'heure où je te parle. raconter ma life. Dédicace au quartier de Skizzy, ici, pas mal à tu. Mais tu vois l'anneau du night. D-E-Z-B-A-R, nègre. Tout le time. Yeah, je vous ai dit, c'est l'archivitance dessus, ma gueule. Les mecs de Saint-Luc, Montolon, Grand Boulevard. Mais ouais, nègre. Marine Monster avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Merci à vous pour cette soirée. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. Avec Mickaël du 7-8. Salut Mickaël. Salut, ça va? Bienvenue dans ce Planète Rap des Marine Monster. Prêt à faire tourner la roulette? Prêt. Allez, coup d'envoi de la roulette, on la lance. Dès que tu veux, tu dis stop. C'est parti. Wow. Je crois que c'est... C'est le son des Marine Monster hein, qui l'a énervé comme ça. Ah ouais, ouais. Il est énervé le boug. Eh ben Mickaël, le boug est énervé. Concert de Black M à Paris le 4 décembre prochain. C'est pour toi, Zénith de Paris, il y a deux places. Ça y est, c'est fait. Ah, merci, c'est gentil. Mon gars Black. Merci yes. À toi Mickaël. Merci à vous les Marine Monster. On demain on va se retrouver. On rappelle le jeu concours bien sûr. Alors très rapidement. Fred, encore une fois. Rapidement, le jeu concours c'est très simple. Tout de suite, vous précommandez l'album, vous faites une capture d'écran, vous envoyez avec le hashtag Marine Monster sur Sky Marine Monster oui. En Panamera. Panamera. Tirage au sort dans Planète Rap entre 20 et 21. Panamera qui vient vous chercher aller-retour. Panamera couleur Zanzibar. Couleur Zanzibar. Et rhabillé de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. À la boutique Vortex. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Merci à vous. Ouais. Ciao tout le monde. Merci. Dis-moi aussi. Et là, on va retrouver toute l'équipe du Full. Et ouais, Fred, on est là. Ouais. Merci pour ce beau Planète Rap. On vous donne rendez-vous demain à partir de 20h. Planète Rap 20h, 21h toute la semaine. Et la Radio Libre qui arrive juste derrière. Dans un instant, on va retrouver Hakim. Est-ce que vous avez déjà des trucs dans votre que vous avez vu chez vous et qui vous ont choqué? Eh bien, restez bien là. Hakim a un petit souci et plein de choses à faire. Il est choqué. Une embrouille de Cédric qui déchire. Pas mal. Le grand retour de Benoît Didier JF, l'homme aux mille prénoms. Ah oui. Mais également aux mille perversions. Absolument, ouais. À retrouver avant minuit. Et ben on arrive tout de suite sur Skyrock. Bougez pas. À toutes.